إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واذهبوا حيث شئتم فإن إلى ربكم الرجعى واعملوا ما شئتم فعملكم عليكم محصى اليوم يقبل العمل ولو كان مثقال ذرة وغدا لا يقبل ولو كان ذهبا ملء المجرة من حاسب نفسه ربح ومن نظر في العواقب نجا ومن اتبع هواه ضل ومن خاف سلم ومن حلم غنم وإذا زللت يا عبد الله فارجع وإذا ندمت فأقلع يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد عباد الله لا يخفى ما تعيشه الأمة من فتن ومحن في كثير من ديارها وسالت فيها دماء وشرد فيها مشردون وتكالب عليها الأعداء والحديث حفظكم الله ليس حديث تلاوم ولا تشكي ولا حديث يأس وتخاذل ولقد قال عز وجل مخاطبا أفضل رسله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أصحابه وهم مستضعفون ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه أخرجه البخاري عباد الله لا مكان للقنوط واليأس في زمان الاستضعاف ولا موضع لفقد الأمل عند غياب التمكين ولكنه حديث انتصار الإسلام وانتشاره وعزة الأمة وعلوها فقد قال عز شأنه وقوله الحق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ويقول عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز عباد الله وفي مثل هذه الظروف يحسن التأمل في معاني النصر في كتاب الله والنظر في حقائق الانتصار في دين الله سبحانه وتعالى فخفاء ذلك والغفلة عنه قد يوقع في الاستعجال بل قد يوقع في التنازل وأشد من ذلك أن يوقع في اليأس والقنوط والعزلة بادئ ذي بأد حفظكم الله يجب التفريق بين انتصار الدعاة والمصلحين وبين ظهور دين الإسلام وانتشار الإسلام بل يقال بكل ثقة وعزة يجب عدم الربط بين ضعف الأمة واستضعافها وبين انتشار الدين وانتصاره فالنصر عند الله والنصر من عند الله وليس بالكثرة ولا بالقوة ولكن الله يمن على من يشاء بالهداية ويمن على من يشاء باستعماله في طاعته وخدمة دينه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ويقول تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ويقول تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض بل قال الله عز وجل في محكم تنزيله مبينا علو المؤمنين بإيمانهم والغاية من ابتلائهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فإذا كان الأمر كذلك يا عباد الله فاعلموا أن النصر ليس له صورة واحدة ولا مظهر واحد كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا رعاكم الله استعراض لبعض أنواع النصر ومظاهر الانتصار ليقوم المسلم بمسؤوليته وليخدم دينه ويحفظ أمته ويكون على بصيرة من أمره وبينة من مسيرته أول أنواع النصر ومظاهر الانتصار ما يعرفه الناس ولا يكاد يعرفون غيره وهو النصر بالغلبة وقهر الأعداء وظهور أهل الحق ويكاد يكون هذا النوع هو الذي ينتظره الناس ويتعلقون به ويحبونه ويجعلونه مقياس نجاح أعمالهم وميزان ابتلائهم وهذا النصر هو المحبب للنفوس وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقد قضت سنة الله ومضت أن هذا لا يكون لكل المؤمنين ولا في كل الأزمان ولا في كل الأماكن ومن أنواع النصر ومظاهر الانتصار عباد الله إهلاك المكذبين ونجاة المرسلين والمؤمنين كما نصر الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام وهو الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فأجاب ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لما كان كفر فأغرق الله المكذبين عن آخرهم وجعل ذريته هم الباقين. ومثل ذلك نصر أنبياء الله هود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن مظاهر الانتصار عباد الله النصر بالانتقام من الأعداء المكذبين بعد وفاة الأنبياء والدعوة المصلحين. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يقول: إما بإعلائها لهم على من كذبنا أو كذبنا، أو انتقامنا في الحياة ممن كذبهم بعد وفاة رسولنا، كالذي فعلنا بقتلة يحيى عليه السلام من تصليتنا بختنصر حتى انتصرنا من قتله له، وكقصة الغلام وأصحاب الأخدود. ومن مظاهر النصر حفظكم الله النصر بالحجة وصحة الدليل والبرهان. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله في قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين لعبادنا المرسلين، أي أن لهم النصر والغلبة بالحجج، أن لهم النصر والغلبة بالحجج. ويوضح ذلك قوله عز شأنه في إبراهيم عليه السلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، والرفع هو الانتصار. وقوله جل وعلا: فبهت الذي كفر، والبهت هو الهزيمة، فانهزم الكافر وانتصر نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحجة. ومن أنواع النصر العجيبة ومظاهره الغريبة النصر بالهجرة وتحمل الأذى والقتل. وكم قتل من الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس، ومنهم من طرد، ومنهم من هاجر، ومنهم من لم يتبعه أحد، ومنهم من تبعه الرجل والرجلان. يقول تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ويقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ويقول تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فيحصل بالهجرة من الأذى والطرد إما الشهادة وإما ظهور الدين. فالهجرة والسجن والتعذيب وأنواع الابتلاء كله معالم نصر في علو الذكر وزيادة الأتباع وكف الأعداء، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا ينبغي الغفلة عما تمتلئ به نفوس الأعداء من الغيظ والألم، الألم النفسي العظيم. وقد قال عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ويقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ويقول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ومن أبلغ البيان في ذلك قول الله عز وجل في هجرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأعلنها إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا ينقم أعدائي مني ماذا ينقم أعدائي مني جنتي وبستاني في صدري وقتلي شهادة ونفسي سيا ونفي من بلدي سياحة وسجني خلوة وهل يدرك أهل الحق بل أهل العقل من هو المنتصر ومن هو المهزوم عباد الله من مظاهر النصر وصور الانتصار الثبات والصبر على المخالف واحتساب الأجر وعظم البلاء وهل أعظم نصرا وأحسن توفيقا من أن يسدد الله عبده ليعلو على شهوته ويجتاز العقبات بشجاعة وثبات إنه انتصار الباطن الذي يعقبه انتصار الظاهر ولقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وكم ثبت عليه الصلاة والسلام أمام ما تعرضه قريش من الملك والمال والجاه العريض وتأملوا في ثبات أبي بكر رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الردة ويوم قتال مانع الزكاة وثبات الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة والمحنة وكم أعقب ذلك من نصر وعز تقدموا قليلا بارك الله فيكم عباد الله ولو تأمل المتأمل هذه المظاهر والأنواع من النصر والانتصار ومظاهره لعلم سعة فضل الله وحكمته وقد تجتمع هذه الأنواع لبعض عباده كما اجتمعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد انتصر بظهور الدين وتمامه وكماله وهلاك المكذبين وانتصار بالهجرة والبرهان والحجة وحفظه الله من أعدائه ومثله موسى عليه الصلاة والسلام أما إبراهيم عليه السلام فقد انتصر بالحجة والهجرة ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام فانتصروا بالصبر والثبات وهلاك أعدائهم ونجاتهم ومن معهم أما المؤمنون معهم فقليل عباد الله إن مسؤولية المسلم أن يتأكد أنه سائر على الجادة وعلى نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه بقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فالأمر لله من قبل ومن بعد ولسنا سوى عباده سبحانه، نتقرب إلى الله بعبادته وخدمته، والزلفى لديه مؤمنين موقنين بأن الأمر كله لله، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وينصر من يشاء، وهو المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو. وإذا فقه المسلم ذلك فإنه لن يستكين أمام ضغوط الظالمين ومساوماتهم واستعجال الأتباع وعدم صبرهم سعيا للحصول على بعض المكاسب، وهي ليست مكاسب ولكن أشبه بمسكنات. ناهيك بما قد ابتلي به بعض التنازلات، من قد يبتلى به من بعض التنازلات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدموا قليلا، بارك الله فيكم، إذا رأيتم فراغ أمامكم تقدموا بارك الله فيكم حتى يكون المكان لإخوانكم. جزاكم الله خيرا. عباد الله، إن الانتصار هو انتصار الدين وليس انتصار الأشخاص، انتصار المبادئ والقيم والعقائد الحقة، هذا هو الانتصار الحق والحقائق الناصعة. انتصار الإسلام في ظهور شعائره من توحيد الله وعبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعمارة المساجد ومظاهر الإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمارة الحرمين الشريفين بالحجاج والعمار والزوار والطائفين والقائمين والركع السجود. أما تخلف السلطان المادي والقوة المادية عن أهل الحق فلا يعني الهزيمة والضعف ولا عدم الظهور، بل الظهور والغلبة والانتصار هو للقضايا والمبادئ وللصابرين والشهداء والمؤمنون مؤتمنون على دين الله وشرعه. اسمعوا ما قاله أحد زعماء أكبر دولة في العالم وأقواها، يقول: الإسلام عقيدة قوية، والعلمانية الغربية لا تستطيع أن تغلبه، وكذلك العلمانية في العالم الإسلامي. والعامل الحاسم هو قوة الأفكار العظيمة التي يحملها الإسلام. عباد الله، دينكم هو أسرع الأديان انتشارا، على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذل لإعاقة انتشاره، والجهود الإعلامية الخارقة التي تبذل للتنفير منه وتشويهه. إن طريق الإسلام إلى القلوب والعقول مفتوح، وعصركم هو عصر الاتصالات والمعلومات، فاستبشروا وأبشروا وأروا الله من أنفسكم خيرا، فبهذا تعقد ألوية النصر وموعود الحق. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عباد الله، ومع كل هذه البشائر والحقائق فلا ينبغي إغفال موانع النصر من الظلم والمعاصي والركون إلى الكفار والذين ظلموا والغفلة عن الأولويات. فأول الأولويات توحيد الله وتحقيق مقتضياته والبعد عن التحزب وتفريق المؤمنين وتنافر القلوب والاستعجال. ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم المحفوظ المنتصر الذي لا تستطيع قوة في الأرض أن تنال منه، وفيه خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بنصر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. وقوله عز وجل في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Je m'excuse de ne pas avoir eu le temps aujourd'hui de traduire la khutbah en français parce que le sujet est assez long et donc je ne peux pas aujourd'hui le traduire. Mais je vous promets, inshallah, soit samedi ou dimanche, après le maghrib, que je vais vous faire une traduction complète et détaillée de cette khutbah, inshallah, parce que le sujet de la khutbah aujourd'hui, il est extrêmement important. Et donc, inshallah, si vous voulez assister à cette traduction, inshallah, vous pouvez venir samedi soir après le maghrib, et entre le maghrib et l'isha, je vous ferai une traduction détaillée de la khutbah d'aujourd'hui, bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, inshallah, ensemble? On va lire la traduction de la khutba qu'on a fait vendredi passé. Habituellement, je fais une khutbah en arabe, puis je fais la première partie en arabe, et la deuxième partie, je résume en français. Toutefois, cette khutbah, elle était plus longue que d'habitude, et puis en même temps aussi, les points qui étaient mentionnés dedans étaient trop importants pour les résumer en réalité, donc j'ai pensé qu'il fallait donner à cette khutbah son droit, parce que franchement, elle le mérite. C'est une khutbah de Cheikh Salih bin Humeid. un des grands parmi les mashaykh, les ulama. Donc, cette khutba, le sujet de cette khutba, c'est au sujet de al-nasr. Al-nasr, c'est-à-dire la victoire. Hein. Et on sait que dans l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, la victoire elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, comme yani on va le comprendre en lisant cette khutba, al-nasr, la victoire, elle a plusieurs significations dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, on va lire ensemble donc, ce que yani les ulama de l'islam ont dit à ce sujet-là et ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et on va voir que, en réalité, donc, ce sujet est un sujet très important. Puis, il y a une signification très profonde donc, à tout ça. Et donc, ça va nous aider même à comprendre un peu mieux la réalité de l'islam et à avoir une compréhension un peu plus profonde également de la méthodologie des gens de la Sunna face aux différentes situations dans lesquelles les musulmans sont actuellement et les problèmes auxquels ils ont à faire face dans différents pays du monde. Donc comment nous on doit agir et on doit réagir vis-à-vis de ça et comment on doit se positionner par rapport à ça. Donc il y a plusieurs points importants dans cette khutba. Donc après l'introduction, bien entendu on fait khutbatul haja et après dit amma ba'd fa usikum ayyuha an-nas wa nafsi bi taqwallah. Donc je vous enjoins ô vous les hommes ainsi que moi-même à la piété, c'est-à-dire de faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors yani faites preuve de piété, soyez pieux envers Allah. Et taqullah. At-taqwa, ça veut dire faire ce que Allah ordonne et s'écarter de ce qu'il a interdit, par espoir en sa récompense et par crainte de son châtiment. Et il dit, allez, vous pouvez aller où vous voulez, car c'est le retour sera vers votre Seigneur. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que vos actions, elles vont être compté et calculé. Et il y a un jour, c'est-à-dire aujourd'hui, vos œuvres, elles seront toutes acceptées, hein, bien entendu à condition qu'on fasse les actions selon les conditions, hein, les conditions, c'est-à-dire de les faire avec ikhlas et de les faire selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nos actions, elles peuvent toutes être acceptées, même si elles pèsent seulement un atome. Tandis que demain, c'est-à-dire après la mort, eh bien, il n'y a rien de nos actions qui seront acceptées. Même si c'était une quantité, yani comme une montagne, hein, ça ne serait pas accepté, puisque une fois que la mort est venue, les œuvres sont arrêtées. On ne peut plus augmenter en œuvres. Et celui qui se fait des comptes à lui-même, c'est lui qui a réussi. C'est lui qui a atteint la réussite. Et celui qui regarde aux conséquences de ses œuvres et de ses actions, eh bien, c'est lui qui a la réussite et le salut. Et celui qui a suivi sa passion, il s'est égaré. Et celui qui a craint, qui a eu la crainte, hein, de désobéir à Allah et de faire des péchés, eh bien, il sera épargné des châtiments. Et celui qui a été doux et calme et paisible, eh bien, il va avoir une grande récompense pour ça. Et il dit, si jamais tu glisses au serviteur d'Allah, alors reviens. Et si tu as des remords d'avoir fait un péché, alors cesse de faire ce péché. Et il cite le verset 6 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où Allah vous ressuscitera tous, et il informera chacun, hein, il vous informera de ce que vous œuvriez, de ce que vous avez œuvré, de ce que vous avez fait. Ahsahu Allah wa nasu. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit, l'a enregistré, tandis que eux, ils avaient même oublié leurs propres œuvres. Et Allah est certes témoin de toutes choses. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie rien. hein, même si toi tu oublies tes propres œuvres, tes bonnes œuvres ou tes péchés, ben Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il enregistre tout. Serviteur d'Allah, hein, il n'échappe à personne que ce que la Ummah subit actuellement comme tribulation, comme problème, comme malheur dans plusieurs de ces pays, du fait que on voit que le sang est répandu et que beaucoup de gens sont dissimés ou expulsés de leur demeure, hein, et que les ennemis de l'islam se concentrent contre les musulmans pour leur faire subir toutes sortes de difficultés, des problèmes, et pour les tuer, ou bien pour les torturer, ou bien pour leur faire subir toutes sortes de malheurs, eh bien, sachez que le sujet dont on veut parler, ce n'est pas un sujet dont on veut parler dans le but de se plaindre, ou dans le but de chercher à blâmer, ou dans le but de faire tomber sur les musulmans ou de faire ressentir aux musulmans du désespoir, ou dans le but de décourager les musulmans. Mais plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, le meilleur messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à lui ainsi qu'aux musulmans en disant, Allah a dit à son meilleur messager et aux croyants qui étaient avec lui, dans Surat Al-Baqarah, le verset 214, « Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis et que vous n'allez pas subir quelque chose de semblable à ceux qui ont vécu avant vous ?» Vous n'allez pas subir la même chose que ce que ceux qui ont vécu avant vous ont subi. Ils ont été touchés par la maladie. Ils ont été touchés par la misère et ils ont été ébranlés jusqu'à ce que le messager et ceux qui ont cru avec lui dirent, quand est-ce que viendra la victoire d'Allah? Certes, la victoire d'Allah est proche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui ont dit, alors qu'ils étaient faibles à la Mecque, ne vas-tu pas invoquer Allah pour qu'il nous donne la victoire et pour qu'il vienne à notre secours? Ne vas-tu pas faire des doigts pour nous? Ala tastansir lana? Ala tad'u lana? Alors qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, avant vous, on prenait un homme, c'est-à-dire les mouchriquins, les kuffars, ils prenaient un homme et ils creusaient un trou. Et il l'enterrait dans ce trou. Et il laissait uniquement apparaître sa tête. C'est-à-dire, il l'enterrait dans la terre jusqu'à son cou. Et qu'est-ce qu'il faisait par la suite? Il prenait une scie. Et il lui sciait la tête en deux. Et cela ne le faisait pas sortir de sa religion. Ou bien on prenait un peigne de métal ou un peigne en fer. Et on lui écorchait la chair jusqu'à l'os. Et cela ne le faisait pas revenir de sa religion. Walakinnakum qawmun tasta'jilun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais vous êtes des gens, vous êtes trop pressés. Il a dit aux sahaba, à ce moment-là, lorsqu'ils ont posé la question, ne vas-tu pas demander à Allah pour qu'il nous donne la victoire et pour qu'il nous sauve de cette situation? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu avec cet exemple pour leur faire comprendre que d'autres avant eux avaient subi des choses parfois plus difficiles et ils ont été patients, ils sont restés fermes sur leur religion. Et donc on doit être éprouvé, on doit être ferme nous aussi, et on ne doit pas se précipiter, et on ne doit pas se précipiter. Serviteur d'Allah, il n'y a pas de place dans notre religion pour le désespoir. Même dans le temps de la faiblesse des musulmans. Et on n'a pas le droit de perdre l'espoir lorsqu'on n'a pas la force et l'établissement sur la terre. Et donc, il faut comprendre que c'est une question du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire à l'islam et il fait en sorte que sa religion se propage et que la umma soit toujours en situation de force et de puissance et élevée, peu importe la situation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ وَيَقُولُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous viendrons au secours de nos messagers et de ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et le jour où les anges se tiendront comme témoins. Et dans le verset 171 et 173 dans Sourate As-Saffat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers. Certes, ce seront eux les victorieux, et nos soldats auront le dessus. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَيَقُولُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie, le premier est dans Sourate Ar-Rum, le verset 47, et il est un devoir, il est de notre devoir de venir au secours des croyants. Donc c'est un devoir pour Allah de venir au secours des croyants. Et il dit dans le verset 7, dans Sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et si vous donnez la victoire à Allah, Allah vous rendra victorieux et il raffermera vos pas. Il raffermera vos pieds. Il dit dans le verset 40 dans Sourate Al-Hajj, certes, nous allons donner la victoire à ceux qui soutiennent sa religion. Certes, Allah est fort et puissant. Serviteur d'Allah, dans les différentes situations dans lesquelles nous sommes, il est important de réfléchir à la signification de la victoire dans le Coran, dans le livre d'Allah, et de regarder aux significations et aux réalités de la victoire que Allah donne à sa religion. Parce que les gens pourraient se poser la question, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il donne la victoire aux croyants et qu'il vient au support des croyants et qu'il les supporte et qu'il les soutient et qu'il les soutient et qu'il les défend, alors qu'on voit qu'est-ce qui se passe actuellement dans différents pays musulmans, que les musulmans sont opprimés et qu'ils subissent toutes sortes d'humiliations et de difficultés. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la signification de la victoire dans la révélation d'Allah? Eh bien, le fait que beaucoup de musulmans n'aient pas compris la réalité de ce que signifie la victoire dans le Coran et dans la Sunna fait en sorte que beaucoup de gens sont tombés dans la précipitation. Ils ont voulu se précipiter, c'est-à-dire faire des actes et se précipiter dans des choses alors que ce n'était pas le temps, alors qu'ils ne sont pas capables parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Et également, ça peut faire en sorte que certains tombent dans des compromis à cause de leur religion, à cause de leur manque de connaissance et de compréhension de la signification de la victoire en islam. Et également, il est possible que cela fasse tomber certains dans le désespoir et dans le fait de s'écarter et s'éloigner de la société et des gens. Et donc, pour comprendre, il faut distinguer hein, entre la victoire que Allah donne aux gens qui appellent à l'islam et qui font la réforme, et entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire et rende victorieuse sa religion et fasse en sorte que l'islam se propage. Et on peut dire avec toute confiance, avec toute confiance et toute certitude qu'il est obligatoire de ne pas faire un lien entre la faiblesse de la Ummah et le fait que les musulmans soient dans une situation de faiblesse, et entre la propagation de la religion de l'islam et le fait que l'islam soit victorieux. Parce que la victoire pour Allah, ce n'est pas quelque chose qui est relié à la quantité des musulmans, et ce n'est pas non plus quelque chose qui est relié à la force, hein, comme certains qui s'imaginent que la victoire dans l'islam c'est relié à une force militaire, mais plutôt c'est une guidance à qui Allah donne à qui il veut et à qui il fait, hein, et il fait la faveur de cette guidance à qui il veut, et il donne la faveur d'employer qui il veut parmi ses serviteurs dans son obéissance et dans le fait de servir sa religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 17 dans surat Al-Hujurat, certes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait la faveur de vous avoir guidé à la foi. C'est Allah qui vous a fait la faveur de vous guider, de vous avoir guidé à la foi. Et il mentionne dans un autre verset, le verset 38 dans surat Muhammad, et si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple. Hein, par un peuple autre que vous. Hein? Et si vous vous détournez de ses ordres, de vos obligations dans l'islam, de l'obligation d'inviter les gens à l'islam, et de propager la religion d'Allah et de rendre la religion d'Allah victorieuse, ou victorieux, eh bien, il vous remplacera par un autre peuple autre que vous, qui ne sera pas comme vous. Il mentionne le verset 4 dans surat Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il se serait vengé lui-même contre eux. Hein? Il aurait pu se venger lui-même des mushrikins et des koufars et les anéantir tous. Mais c'est parce qu'il veut nous éprouver les uns contre les autres. Et il dit également, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, dans sa révélation, en expliquant que les croyants sont toujours les plus hauts et les plus élevés à cause de leur foi, et que le but des difficultés qu'ils subissent sont en réalité des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Il dit, et ne vous laissez pas abattre, et ne vous affligez pas alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes, de faiblesse ou d'humiliation ou de difficulté ou d'épreuve, vous êtes les plus hauts si vous êtes mu'minin, si vous êtes croyant. Parce que qu'est-ce qui élève l'homme? C'est sa foi. Hein? Et il dit ensuite, et donc si la chose est ainsi, ô serviteur d'Allah, alors sachez que la victoire, elle n'a pas une seule forme, une seule manifestation, une seule façon de se présenter. Comme cela a été indiqué dans le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là maintenant il va mentionner différents exemples de victoires que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses serviteurs. Et donc, en regardant et en présentant ces différentes formes de victoires et ces différentes manifestations de victoires que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses serviteurs, eh bien, ça fait en sorte que le croyant, il va avoir une compréhension plus profonde de la réalité de la signification de cette victoire, et il va pouvoir être adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec une preuve claire et avoir une compréhension plus claire de du chemin qu'il doit emprunter vis-à-vis des différentes choses qui se passent. Le premier exemple, أول أنواع النصر ومظاهر الانتصار, il dit la première exemple de victoire, c'est ce que les gens connaissent, et que la plupart des gens, ils ne connaissent rien d'autre que cette sorte de victoire, c'est la victoire par le fait d'avoir le dessus et d'avoir d'avoir la force contraignante contre son ennemi, hein, et le fait que les gens de la vérité aient la force militaire supérieure à leurs opposants ou à leurs ennemis. Et donc, ça c'est la forme de victoire que la plupart des gens connaissent, et ils n'en connaissent presque pas d'autres. Et c'est en général cette catégorie de victoire que les gens attendent. Hein? Et c'est cette forme de victoire qu'ils aiment, et qu'ils s'accrochent à ce genre de victoire, et c'est par cette catégorie de victoire qu'ils jugent, hein, qu'ils jugent les œuvres et le succès de leur travail, de leurs actions, et c'est par ça qu'ils pèsent également, ou qu'ils mesurent les épreuves qu'ils subissent. Et c'est clair que cette forme de victoire, elle est aimée des âmes, hein. Les gens aiment ce genre de victoire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans sourate As-Saff, le verset 13, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et une autre que vous aimez, une victoire de la part d'Allah, hein, et une conquête, ou bien une victoire qui est proche, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Et il est clair que la sunna d'Allah a été établie, et elle s'est manifestée à plusieurs reprises, mais cette victoire, ou cette sorte de victoire-là, elle n'a pas été donnée à tous les croyants. Cette sorte de victoire, hein, par la force contre les ennemis, elle n'a pas été donnée à tous les croyants à travers l'histoire, et elle n'a pas non plus été donnée à toutes les époques, et elle n'a pas été donnée aux croyants dans tous les différents endroits du monde. C'est seulement certains croyants qui ont pu avoir cette forme de victoire à certains endroits et à certaines époques, et non pas partout, et non pas à toutes les époques. Ensuite, il donne un autre exemple. Il dit, et parmi les différentes formes de victoire et les manifestations de victoire et de triomphe de la religion de l'islam et des musulmans, il y a le fait que les gens qui traitent de menteurs les prophètes et les messagers périssent, et que les messagers et les croyants soient sauvés, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré plusieurs exemples de ça dans son livre, en commençant par l'exemple de Nuh alayhi salam. Il est resté parmi son peuple pendant 950 ans, et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Il n'y a que très peu qui ont cru avec lui par la suite. Donc pendant 950 ans, il les a appelés à l'islam, et ils n'ont pas cru en lui, excepté un petit nombre. Et il mentionne dans le verset 10, dans sourate Al-Qamar, فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Hein? Et il a invoqué son Seigneur en disant, ô Seigneur, je suis vaincu, fais-moi triompher, hein? Viens à mon secours, donne-moi la victoire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé et a répondu à son dua, et il dit, nous ouvrîmes les portes du ciel, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. C'est-à-dire, nous ouvrîmes les portes du ciel avec une eau torrentielle et fîmes jaillir de la terre les sources et les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui avait été décrété dans une chose faite, et nous les portâmes sur une arche faite de planches et de clous, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qui avait été renié. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a noyé tous ceux qui le traitaient de menteur jusqu'au dernier. Il n'en restait plus aucun. Et il a sauvé sa progéniture. Et c'est seulement ses descendants qui ont survécu. Et on voit également l'exemple de d'autres prophètes. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Hud et à Salih et à Lut et à Shu'aib alayhim salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Al-Ankabut à leur sujet dans le verset 40: chacun a été pris pour son péché. Parmi eux, certains d'entre eux, nous leur avons envoyé des ouragans, et d'autres ont été saisis par le cri, et parmi eux, d'autres ont été engloutis par la terre, et parmi eux, certains d'entre eux, nous noyâmes. Nous avons noyé. Et ce n'était pas Allah qui leur a fait de l'injustice, mais c'est plutôt à eux-mêmes qu'ils faisaient de l'injustice. Donc ça, c'est un exemple de victoire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux serviteurs pieux contre les gens qui ont traité les messagers de menteurs et qui ont raillé les croyants. Et parmi les manifestations de victoire, il y a également, il dit, النصر بالانتقام من الأعداء المكذبين بعد وفاة الأنبياء والدعاة المصلحين. Il dit, il y a également parmi les victoires la victoire par le fait que Allah se venge des ennemis qui ont traité les messagers de mensonges après la mort de ses prophètes, après la mort des prophètes et après la mort des réformateurs. Et il mentionne la parole de l'imam At-Tabari qui explique des versets du Coran dans ce sens-là. Il dit, l'imam At-Tabari, il dit, يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقول إما بإعلائنا لهم على من كذبنا أو انتقامنا في الحياة ممن كذبهم بعد وفاة رسولنا كالذي فعلنا بقتلة يحيى عليه السلام من تصليتنا بختنصر حتى انتصرنا من قتله له وقصة الغلام وأصحاب الأخدود. Donc il dit ici, l'imam al-Tabari, il explique le verset dans sourate Ghafir, le verset 51. Certes, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes, nous donnerons la victoire à nos messagers et ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et le jour où se tiendront les anges comme témoins. Il dit, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce que, il va se venger de ceux qui ont traité les messagers de mensonges et qui ont démenti la vérité, et ou bien il va se venger d'eux dans la vie d'ici-bas, après la mort de ses messagers, soit pendant qu'ils sont vivants, ou bien après leur mort, comme c'est arrivé avec ceux qui ont tué Yahya, alayhi salam, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Bukhtanassar viennent punir ceux qui l'avaient tué. Et Bukhtanassar, c'était un des rois de Perse, qui avait fait subir à Bani Israël, il y a un châtiment à cette époque, à son époque, à cause justement de leur transgression et du fait qu'ils avaient voulu tuer Yahya, qu'ils l'ont tué en effet. Et il y a aussi l'exemple de l'enfant dans l'histoire de Ashab al-Ukhdud. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ashab al-Ukhdud, il y a même une sourate dans le Coran qui est révélée à ce sujet-là. C'est un long hadith qui est rapporté au sujet d'un enfant qui était sage. Et à la fin de l'histoire, en fait, c'est que le roi, il a tout essayé pour faire tuer ce jeune garçon qui croyait en Allah, et il n'a jamais réussi. À la fin, il a demandé au jeune garçon, qu'est-ce que je dois faire pour te tuer, si je veux me débarrasser de toi. Il a dit, si tu veux te débarrasser de moi, eh bien tu dois me placer devant tout le monde sur je me rappelle plus sur quel endroit, mais il a dit, tu prends une flèche et tu dis, au nom d'Allah, le Dieu de cet enfant, Bismillah Rabbil Ghulam. Et donc il a tiré la flèche, il a dit Bismillah Rabbil Ghulam, et il l'a tué. Alors quand il l'a tué, tout le monde a vu ça et tout le monde a dit, nous croyons au Seigneur de cet enfant. Donc tout le peuple ont cru en Allah à cause de lui. Et donc après, le roi a voulu interdire aux gens de croire en Allah, et il a fait creuser une fosse et il a mis du feu dedans. Il a dit, est-ce que vous allez renier votre foi en Allah? Et ils sont tous restés fermes sur la foi, et ils sont même rentrés dans le feu. Il les a tous tués, il les a tous fait brûler au feu à cause du fait qu'ils ont cru en Allah, à cause de ce jeune garçon. Et dans le hadith même, c'est mentionné que une des femmes qui hésitait à rentrer dans le feu et qui tenait son bébé, et Allah subhanahu wa ta'ala, par miracle, l'a fait même parler ce bébé, et il a dit à sa mère, ne crains pas, tu es sur la vérité. Même son enfant lui a parlé pour la confirmer que elle était sur le droit chemin, elle était sur la vérité, sur la foi. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à ce jeune enfant et à la religion d'Allah par cet enfant-là après sa mort, puisque toute la population ont cru en Allah à cause de cette action qu'il a fait. Après, il dit, et parmi les manifestations de victoire également, il y a la victoire par la preuve. La victoire par la preuve et les arguments véridiques et authentiques, et les preuves convaincantes. Et il mentionne la parole de l'imam Ibn Jarir, rahimahullah, lorsqu'il mentionne le verset 171 dans Sourate Saffat, dans lequel il dit, certes, notre parole a déjà été mentionnée au sujet de nos serviteurs, les messagers, innahum lahumul mansurun, c'est-à-dire c'est eux qui auront la vérité, la victoire. Il dit, l'explication que l'imam At-Tabari a donnée à ce verset-là, il dit, ay anna lahumun nasra wal ghalaba bil hujaj, c'est-à-dire ils auront la victoire et le dessus sur les ennemis d'Allah par les preuves et les arguments qu'ils ramènent. Et ça, qu'est-ce qui vient clarifier ça? C'est l'exemple de Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 83 dans sourate Al-An'am, lorsqu'il dit, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha, yani warraf'u huwa al-intisar. Donc ici il dit, voici nos arguments et nos preuves que nous avons données à Abraham contre son peuple. nous élevons en degré qui nous voulons. Et il dit l'élévation en degré ici, c'est la victoire en réalité. Et on a vu les arguments de Ibrahim alayhi salam contre son peuple, que ce soit lorsqu'il a voulu les réfuter au sujet de leurs idoles et qu'il a tué, pas qu'il a tué, mais qu'il a cassé avec son bâton, il a cassé toutes les idoles des mushrikines de son peuple. Et il a laissé la grande parmi les idoles et il lui a mis son bâton. Alors quand ils sont venus le voir pour lui demander yani, qui a fait ça à leurs idoles, eh bien lui il a dit c'est elle cette grande idole là qui a cassé les petites. Alors ils ont su que yani, ils ont été réfutés par cet exemple, parce que ils ont dit, mais tu sais très bien que cette idole, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas bouger. Hein? Donc, en même temps, Ibrahim, il a fait ça, c'est pour leur montrer la futilité et la fausseté de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent rien faire, elles ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Donc, comment pourraient-elles défendre quelqu'un d'autre? Et donc, ça c'est un exemple, comment il les a réfutés avec l'argument, avec la preuve. L'exemple aussi dans le verset dans Sourate Al-Baqarah, le verset 258, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, c'est lorsque Ibrahim alayhi salam a rencontré An-Nimrod. An-Nimrod c'était un tyran, un mushrik, un kafir à l'époque, qui reniait Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il a dit, mon Seigneur, Ibrahim alayhi salam a dit, mon Seigneur, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et Nimrod a dit, moi aussi, je peux faire vivre et je peux faire mourir. Il a ramené un homme, il a ramené deux hommes, il en a tué un et il a laissé l'autre en vie. Il a dit, tu vois, moi aussi, je fais vivre et je fais mourir. Et alors, Ibrahim alayhi salam lui a dit, mon Seigneur, c'est lui qui fait venir le soleil de l'Est. Hein? Alors, essaie de le faire lever par l'ouest. Et là, il a été bouche bée. Il ne pouvait plus rien dire. Hein? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Et donc, ça, c'est parmi les exemples des arguments. Et comment Ibrahim, alayhi salam, il a eu la victoire sur les kuffars et les mushrikines, les ennemis d'Allah, par la preuve irréfutable qu'il mentionne pour donner la victoire à la vérité et à la religion d'Allah. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ الْبُهْتُ هُوَ الْهَزِيمَةُ فَانْهَزَمَ الْكَافِرُ وَانْتَصَرَ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحُجَّةِ. Donc الْبُهْتُ c'est la défaite, hein? Et donc ce mécréant, il a été réfuté, il a été défait, et Ibrahim alayhi salam a eu la victoire, hein? Le prophète d'Allah, il a eu la victoire contre lui par la preuve. Donc ça c'est une des formes de victoire. Les gens ils ne voient pas ça comme étant une victoire, hein? Comme par exemple lorsque les gens de la sunna ils réfutent les mubtadi'a des différents groupes et des différentes sectes d'égarement, et ils réfutent les khawarij, et ils réfutent les murji'a, et ils réfutent yani, les shi'a, et ils réfutent les soufiyas, et ils réfutent également les mu'tazilas et les jahmiyas et les asha'ira et les maturidiyas et toutes les différentes sectes et les différents groupes de bid'a avec les preuves du Coran et de la sunna et les paroles des salaf al-salih. Ça c'est une victoire, hein? Ça c'est une victoire contre eux. Donc même si les gens d'Ahlus Sunna, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de force militaire pour combattre les ennemis de l'islam, mais ils ont la force et la victoire contre les ennemis d'Allah, les kuffars et les mushrikines, hein? Donc on les réfute dans leurs fausses croyances et dans le shirk, dans le kuf, et on réfute également les groupes d'égarement et les groupes de bid'a qui veulent détruire l'islam de l'intérieur et corrompre les croyances islamiques de l'intérieur. On les réfute eux aussi à l'intérieur de l'islam, parce que ils veulent déformer la réalité de l'islam en faisant rentrer dans l'islam des croyances chrétiennes, des croyances juives, des croyances des bouddhistes, des croyances des hindous, des croyances des mushrikines, des différentes nations et des différents peuples. Les croyances pré-islamiques, ils veulent les mélanger à la pureté de l'islam, essayer d'interpréter l'islam à la lumière de ces fausses croyances. Eh bien, les savants de Ahl Sunna, ils protègent et ils purifient la religion d'Allah et ils défendent la religion d'Allah de ces groupes d'égarements et de ces sectes déviées. Et ça, c'est aussi une victoire que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux gens de la Sunna. Le Cheikh il dit ensuite: ومن أنواع النصر العجيبة ومظاهر الغريبة النصر بالهجرة وتحمل الأذى والقتل وكم قتل من الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس ومنهم من طرد ومنهم من هاجر ومنهم من لم يتبعه أحد ومنهم من تبعه الرجل والرجلان ومنهم من لم يتبعه أحد سبحان الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا يعني فتربصوا إن معكم متربصون. Ici, il dit, il y a une autre forme de victoire qui est étonnante et surprenante et parmi les différentes formes étrange même pour certains. Et ça, c'est la victoire que Allah donne aux croyants par le fait qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire, ils abandonnent un endroit ou une place où ils ont de la difficulté à appliquer la religion d'Allah et ils n'ont pas la liberté d'adorer Allah. Ils quittent cet endroit pour aller vers l'endroit où ils pourront adorer Allah en liberté. Donc ils s'enfuient avec leur religion pour Allah et ils subissent des difficultés, des mauvais traitements, même parfois ils se font tuer dans le sentier d'Allah. Et combien de prophètes ont été tués? Combien de gens qui appellent à la justice ont été tués? Combien d'entre eux ont été chassés? Hein? Et parmi eux, certains ont émigrés, ils ont quitté leur lieu de naissance, leur ville natale, le lieu où ils ont grandi, ils l'ont quitté pour Allah, pour aller dans un endroit où ils peuvent adorer Allah. Parmi les prophètes, certains, ils n'ont été suivis que par un seul homme ou deux, et d'autres prophètes, personne ne les a suivis, comme c'est mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite le verset 52 dans Surah Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad: est-ce que vous attendez de nous excepté une des deux choses qui sont bonnes, tandis que nous attendons de vous que Allah vous frappe par un châtiment de sa part ou bien par nos mains? Et c'est quoi les deux bonnes choses? Hein? Une des deux bonnes choses. Est-ce que vous attendez pour nous excepté une des deux choses qui sont bonnes? C'est quoi ces deux choses bonnes? Les ulama, ils ont dit, nous, les croyants, ils attendent qu'une des deux choses qui sont bonnes, c'est-à-dire la première, la victoire dans cette vie d'ici-bas contre les ennemis, ou le fait d'être martyr et de se faire tuer, hein, pour la foi. Donc ça, c'est une des bonnes choses. Ou l'autre, la victoire dans cette vie d'ici-bas, et si les mouchriquines, ils te tuent, t'as une récompense auprès d'Allah, tu vas être au paradis. Ça, c'est la deuxième bonne chose. Tandis que nous attendons pour vous une des deux mauvaises choses suivantes. Que Allah vous fasse goûter à un châtiment de sa part, ou bien par nos mains. Hein? Et il dit dans un autre verset qui est le verset 195 dans Surat Al-Imran: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. Et leur Seigneur leur a répondu. Je vais lire la traduction dans le verset directement pour que ce soit plus rapide. Leur Seigneur les a alors exaucés en disant: en vérité, je ne laisse perdre le bien de quiconque parmi vous. Hein? Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, qu'il soit un homme ou une femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont fait la hijra et qui ont, ou, et qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et je les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Donc ça, c'est l'exemple qu'il a mentionné à ce sujet-là. Et il cite également le verset 100 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, et il dit, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est-à-dire celui qui sort de sa demeure, hein, en émigrant, en faisant la hijra vers Allah et son messager, et qui est touché par la mort en chemin, alors il aura sa récompense, hein, de la part d'Allah. C'est-à-dire même s'il n'a pas atteint son lieu d'objectif, son but, mais il aura quand même la récompense d'avoir fait la hijra, hein, à cause de son intention. Et donc, à cause du fait de devoir émigrer, quitter ton lieu de naissance, tu t'enfuis pour préserver ta religion de l'endroit où tu vis, tu subis des difficultés et toutes sortes de mauvais traitements, et tu te fais même parfois expulser ou chasser à cause de ta foi et ta religion, hein, eh bien, ou bien tu te fais tuer, hein, tu te fais même tuer parce que tu es croyant en Allah, tu crois en Allah, ça dérange les koufars et les mouchriquins. Aujourd'hui, les koufars et les mouchriquins, ils critiquent les musulmans et ils disent, oh, mais les musulmans, ils font du terrorisme. Les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des prophètes précédents, ils faisaient pas de terrorisme. Et encore aujourd'hui, ceux qui font du terrorisme, c'est une minime partie parmi les musulmans qui ont dévié et qui se sont égarés de l'islam. Et quand ils font ces actes-là, ils ne les font pas par rapport à la religion de l'islam, hein? Parce que c'est pas l'islam qui leur a enseigné de faire ça. Ils ont fait ça en suivant l'exemple des koufars et des mouchriquins qui, eux, ont utilisé le terrorisme comme un moyen de représailles contre leurs différents gouvernements et leurs différents pays. Mais les musulmans, à la base, dans le Coran et dans la Sunna, ils n'ont jamais utilisé ces moyens-là pour arriver à un but ou à un objectif quelconque. Donc, le simple fait que le musulman, il dit, je crois en Allah, je fais la salat, j'ordonne le bien, j'interdis le mal, et ça suffit pour que le kafir te déteste. Parce que le kafir, il n'aime pas que tu sois mu'min. Il n'aime pas que tu sois un croyant. Hein? Même si tu es un musulman, tu respectes ta foi, il y en a parmi les koufars qui... Hein, parmi les koufars, il y en a, s'ils sont sincères, s'ils sont sincères au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent le bien de l'islam. Ils reconnaissent le bien qui existe chez les musulmans. Et ils aiment la vérité de l'islam. Mais il y en a une partie d'entre eux qui détestent la vérité parce qu'ils n'aiment pas le bien. Ils aiment le mal. Ils aiment le kufr. Ils aiment le shirk. Ils aiment l'égarement. Et donc quand ils voient des musulmans qui s'accrochent à la vérité, qui s'accrochent à leur islam, qui pratiquent la religion, ça les met en rage. Ça crée en eux de la haine, hein, et du dégoût, parce qu'ils détestent la vérité, ils détestent le bon comportement, ils détestent la piété, ils détestent l'unicité d'Allah, ils aiment l'idolâtrie, le kufr et le shirk et les péchés et la corruption et le désordre et la turpitude et l'injustice. Ils aiment ça et ils détestent l'islam à cause de du fait que l'islam interdit ces choses-là. D'accord? Donc ces gens-là, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Ils veulent que tout le monde soit comme eux, des koufars et des mouchriquins. Et c'est ça qui les dérange de l'islam. Hein? Donc ils font du tort aux musulmans et ils leur font subir toutes sortes de difficultés et de malheurs. Mais malgré ce qui est apparent, on dirait, mais si des musulmans subissent l'expulsion et subissent des mauvais traitements et de la torture et sont obligés d'émigrer, c'est pas une victoire, hein, pour certains. Mais en réalité, ça c'est une victoire pour les croyants. Regardez qu'est-ce qui a découlé de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a quitté Mecca pour aller vers Médine. Et regardez qu'est-ce qui a découlé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi, ainsi que ses sahaba, toutes ces difficultés et toutes ces épreuves et tous ces mauvais traitements de la part des koufars et des mouchriquins. Qu'est-ce qui est arrivé comme résultat, hein? Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants par la suite, hein? Donc il faut voir que dans ça il y a un bien pour les mouminines, un bien pour la religion d'Allah. Mais hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 8 dans surat al-munafiqoun, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Mais par contre, les munafiqins, les hypocrites, ils ne savent pas ça. Hein? Ils pensent que la force, la victoire, c'est uniquement par la force militaire, le pouvoir, par le nombre. Parce qu'ils n'ont pas compris la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, hein, donne la vraie victoire aux mu'minines. Et donc, il dit, وَلَا يَنْبَغِي الْغَفْلَةِ عَمَّا تَمْتَلِئُ نُفُوسُ أَعْدَاءِ الْأَعْدَاء مِنَ الْغَيْظِ. Donc il ne faut pas être insouciant aussi de ce que les ennemis de l'islam ont dans leur cœur comme rage, hein, et douleur intérieure envers l'islam et les musulmans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 119 dans surat Al-Imran. Donc quand ils sont seuls, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Ils sont fâchés, ils détestent parce qu'ils voient que les croyants sont sur la vérité et ça les dérange de les voir, hein, avoir la victoire et avoir le dessus. Et donc ils se mordent les doigts de rage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, mourez de votre rage. Qul mutu bi ghayzikum. Et le verset 25 dans surat Al-Ahzab, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Dans surat Al-Ahzab, le verset 25, et Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé ceux qui ont mécru avec leur rage, ils n'ont rien obtenu de bien. Après la bataille d'Al-Ahzab, ils n'ont rien obtenu. Ils sont venus avec tous les coalisés, tous les alliés, parmi les koufars et les mouchriquins, des arabes, parmi les arabes de Quraysh et les autres tribus, et les tribus des juifs également qui se sont ralliés à eux contre les musulmans, et malgré tout leur nombre et leur, hein, ils n'ont rien réussi à faire contre l'islam. Et le verset 100 dans surat An-Nisa qu'on a mentionné tout à l'heure, la suite du verset qui dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Donc celui qui fait l'effort d'émigrer dans le sentier d'Allah, il va trouver sur terre beaucoup de subsistance, beaucoup de biens. Et il dit, et parmi les clarifications les plus claires à ce sujet-là, il y a l'exemple de la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à ce sujet-là dans le Coran, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وأعلنها إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Donc, on va lire donc ce verset dans Surat At-Tawbah, le verset 40, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. C'est la preuve que la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une victoire et un secours de la part d'Allah. Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux. Ils étaient deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, radiyallahu anhu. Quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa sérénité, as-sakina, et le soutien de soldats parmi les anges que vous ne voyez pas. Et il abaissa la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Et il mentionne également à propos de Ibrahim alayhi salam, il dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 26, et Ibrahim a dit, je suis un émigrant vers Allah, c'est-à-dire j'émigre vers Allah, mon Seigneur. Inni muhajirun ila Rabbi. J'émigre vers mon Seigneur, certes c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait, qu'est-ce que mes ennemis ont à me reprocher, qu'est-ce qu'ils disent contre moi, peu importe qu'est-ce qu'ils cherchent à faire contre moi, c'est un bien pour moi. Peu importe qu'est-ce que mes ennemis cherchent à faire contre moi, c'est toujours un bien pour moi, parce que mon paradis est dans mon cœur. S'ils veulent me tuer, je serai martyr. S'ils veulent m'expulser, ce sera un moyen pour moi de voyager et de découvrir différents pays. S'ils veulent m'enfermer et m'emprisonner, eh bien ce sera pour moi une retraite pieuse. Donc peu importe qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi, peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de me faire, ça retournera toujours comme étant un bien pour moi. C'est-à-dire qu'il disait, mais mes ennemis ils ne peuvent pas trouver un moyen pour me faire un mal ou pour me faire un tort. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, c'est un bien pour moi, parce que mon paradis il est en moi-même. De quel paradis il parle? Il parle de la foi. Le paradis de la foi. Donc peu importe qu'est-ce qu'ils font, s'ils me tuent, alhamdoulilah, je vais être martyr. S'ils m'expulsent, je vais en profiter pour aller voyager, découvrir d'autres pays, voir des ulama, étudier, apprendre. S'ils veulent m'enfermer en prison, ça va être une retraite pieuse pour que je puisse faire des adorations et me concentrer sur l'adoration d'Allah, et l'étude, et la lecture du Coran, et l'apprentissage. Peu importe qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent rien me faire. Donc ça c'est une victoire aussi. Il dit, serviteur d'Allah, parmi les manifestations de la victoire, il y a aussi la fermeté et l'endurance face à l'adversité. Et le fait de chercher la récompense d'Allah dans les différentes épreuves qu'on a à subir. Et est-ce qu'il y a une victoire plus grande et un succès meilleur que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sur la droiture face à nos passions et à nos désirs, et qu'il nous qu'il nous donne le courage et la force de rester ferme sur la vérité et sur la religion? Il n'y a pas une plus grande victoire que ça. La victoire contre le péché, la victoire contre les désirs de notre âme, contre les tentations. Et il dit, c'est une victoire de l'intérieur, une victoire de l'âme. Et c'est une victoire qui est suivie, une victoire de l'intérieur qui est suivie par une victoire apparente, extérieure également par la suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à propos de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 74 dans sourate Al-Isra, وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le verset 74 dans sourate Al-Isra, et si nous ne t'avions pas donné la fermeté, nous ne t'avions pas raffermi, tu as risqué ou tu as presque failli pencher légèrement vers eux, quelque chose de peu, mais Allah t'a raffermi. Donc c'est pour dire, face à tout ce que les mouchriquines lui montrait comme pouvoir, comme bien, comme statut, comme position qu'il lui offrait, et il n'a pas fléchi, il est resté ferme sur la vérité. Et il dit, et regardez la fermeté d'Abu Bakr radiallahu anhu lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il a dit, celui qui adorait Muhammad, alors sachez que Muhammad est mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'il est vivant, il ne meurt pas. Il a été ferme. Le jour de l'apostasie, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'Arabes ont renié l'islam et sont partis avec Musaylama al-Kadhab. Hein? Eh bien, il les a combattus. Il a insisté à vouloir les combattre. Et ceux qui ont refusé de payer la zakat aussi. Hein? Et ça a été une victoire pour l'islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et également la victoire de l'imam Ahmad contre les gens de la bid'a, les mu'tazila de son époque, qui lui ont fait subir toutes sortes de tortures pour le faire dire des paroles contraires à la vérité, et il est resté ferme. Et donc si la personne médite sur les différentes formes de victoire et leurs manifestations, il va comprendre la grandeur de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa sagesse. Et comment certaines de ces victoires se sont réunies pour certains d'entre les serviteurs d'Allah, comme elles ont été réunies pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire par le fait de donner la suprématie à sa religion, et le fait que sa religion soit complète et parfaite. Et il lui a donné la victoire également par le fait que il a fait périr ceux qui l'ont démenti. Et il lui a donné la victoire également par le fait que il a fait la hijra. Et il a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam également par la preuve et l'argument. Et il l'a préservé contre ses ennemis. Et il y a un exemple semblable également de victoire chez le prophète Moussa alayhi salam, qui lui aussi a eu plusieurs formes de victoire réunies ensemble. Et certains prophètes, Allah leur a donné la victoire uniquement d'une seule forme, comme l'exemple de Ibrahim alayhi salam, qui a eu la preuve comme argument et comme victoire contre les mouchriquins. De même que Nuh alayhi salam, et Hud, et Salih, et Lut, et Shu'aib. Hein? Et donc ils ont eu la victoire par la patience, par la fermeté, et par le fait que les ennemis d'Allah, leurs ennemis, ont été anéantis. Et eux ont été sauvés, ainsi que ceux qui ont été avec eux parmi les croyants, même s'ils étaient peu nombreux. Et donc, sachez, serviteurs d'Allah, que la responsabilité du musulman, elle est confirmée, du fait qu'il doit rester sur la droiture du chemin et sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le groupe qui sera sauvé, c'est celui qui suit son exemple à lui, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et et mes compagnons. Il a dit mon exemple et l'exemple de mes compagnons. Et l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Donc toute l'affaire appartient à Allah auparavant et après. Et donc il faut savoir que nous ne sommes que ses serviteurs. Et notre devoir, c'est de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration et en servant, servant sa religion. Et donc, les plus proches d'Allah, c'est ceux qui sont croyants et qui sont convaincus que toute l'affaire appartient à Allah seul. C'est Allah qui élève qui il veut. Et c'est Allah qui rabaisse qui il veut. Et c'est Allah qui donne à qui il veut. Et c'est Allah qui enlève à qui il veut. Il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Et il donne la victoire à qui il veut. Et c'est lui qui fait avancer et c'est lui qui fait reculer. Et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et donc, lorsque le musulman, il a compris cela, eh bien, il ne va pas s'abaisser devant les pressions des injustes et devant les mauvais traitements des injustes et devant également la précipitation des adeptes ou des fidèles qui n'ont pas de patience face aux adversités et aux difficultés et qui cherchent à tout prix d'obtenir un bien rapide, une issue rapide. Et il explique que certains sont éprouvés également parfois par toutes sortes de différents compromis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à propos des ennemis de l'islam, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah refuse, excepté de compléter sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion, même si cela déplaît aux idolâtres et aux mouchrikoun. Serviteur d'Allah, la victoire dans l'islam, c'est la victoire de la religion. Et ce n'est pas la victoire des individus et des personnes. C'est la victoire des principes, des valeurs, des croyances véridiques et des réalités de l'islam. C'est la victoire de l'islam et le fait que ces principes aient le dessus sur la fausseté et le mensonge. C'est la victoire de l'unicité d'Allah et de son adoration. Et l'établissement de la salat, et le fait de donner la zakat, et le fait de peupler les mosquées d'Allah, et le fait de manifester les différentes formes de bonté, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et le fait également de peupler les lieux saints de l'islam, les deux lieux sacrés où on va pour faire le hajj et la umrah, et pour visiter les lieux saints de l'islam, pour faire le tawaf à Mecca, pour établir la salat et faire le ruku' et le sujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si les musulmans ont des faiblesses en ce qui concerne le pouvoir matériel ou bien le pouvoir de la force dans les questions qui ont rapport avec la force militaire et que les gens de la vérité soit faible sur ce plan-là, ça ne veut pas dire que les croyants ont une défaite ou qu'ils sont en réalité faibles parce qu'ils n'ont pas le dessus sur ces questions-là. Parce que la vérité de la victoire et du dessus et du triomphe de la religion, c'est en ce qui concerne la foi la victoire des principes de l'islam et de la croyance de l'islam, et la victoire des patients et des endurants et des témoins et des martyrs. Et donc, les croyants ont la responsabilité et la charge de défendre la religion d'Allah et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Et regardez ce que un des dirigeants d'un des plus grands pays au monde a dit. Il a dit que l'islam, c'est une aqida, une croyance qui est puissante, forte. Et la laïcité occidentale, elle n'est pas capable de l'écraser ou d'avoir le dessus sur l'islam. Il dit de même que la laïcité dans les pays de l'islam. Parce que la force des pensées, la force de l'islam, il est plus grand. Yani, il est plus grand que ces idéologies humaines. C'est-à-dire que l'islam, il ne peut pas être écrasé par ces idéologies humaines qui ont été ramenées par l'Occident. Ce n'est pas possible. Et donc, eux, ils le savent. Et ils savent que la religion de l'islam, c'est la religion actuellement qui se propage le plus rapidement, malgré tous les efforts qui sont faits pour essayer de stopper sa propagation. Et parmi tous les efforts qu'ils font pour essayer de salir son image et de faire fuir les gens de l'islam. Et malgré tout ça, l'islam continue à se propager. Et les gens continuent à rentrer dans l'islam et à se convertir à l'islam jusqu'à aujourd'hui. Et même dans les pays non musulmans, où des jeunes sont grandis dans leur société parmi les musulmans, et eux, ils pensaient qu'ils les avaient à leur merci, et qu'ils avaient réussi de leur enlever leur islam, de leur enlever même la langue du Coran, et ils reviennent, ces jeunes, aujourd'hui, à l'islam, et ils reviennent à l'apprentissage de la langue du Coran. Et même les gens de leur propre peuple, de leur propre origine, abandonnent le shirk et le kufr et reviennent aux croyances islamiques. Acceptent l'islam, ils se convertissent à l'islam, et ils deviennent parfois même des prêcheurs de l'islam. Alors, on voit que la voie de l'islam vers les cœurs et vers la raison des gens, elle est ouverte. Et on vit dans une époque qui est une époque des communications et de l'information. Alors, réjouissez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait voir du bien. Et ça, c'est des signes de la victoire de l'islam. Tout ça, c'est des signes des promesses de vérité de la part d'Allah. Et que la puissance, elle appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Mais par contre, les hypocrites ne savent pas. Et donc, tout ça, ce sont des exemples de bonnes nouvelles et des réalités. Il ne faut pas les dénigrer il faut pas les prendre à la légère ou ne pas leur donner d'importance. Mais en même temps, il faut tenir compte du fait qu'il y a des choses qui empêchent la victoire aussi. Il y a des empêchements à la victoire. Et c'est quoi ces empêchements? Qu'est-ce qui fait que les musulmans n'arrivent pas à obtenir la victoire d'Allah? Eh bien, c'est lorsqu'ils font de l'injustice. C'est-à-dire lorsque des musulmans font de l'injustice, lorsque les musulmans désobéissent à Allah, lorsque les musulmans se penchent vers les koufars et vers ceux qui font de l'injustice, et également lorsqu'ils deviennent insouciants des priorités dans l'islam. Et la plus grande des priorités dans l'islam, c'est quoi? C'est le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah et le fait de mettre en application et d'exécuter tout ce qui est impliqué par l'unicité d'Allah et de s'éloigner également des groupes et des divisions entre les croyants qui font qui font en sorte que les cœurs fuient les uns des autres, et également la précipitation, de se dépêcher, de vouloir à la victoire tout de suite, et vouloir que les choses se fassent du jour au lendemain, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas de cette façon-là que Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses. Hein? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa da'wa au début de l'islam, à Mecca, Allah lui a pas dit « Demain, je vais te donner la victoire, puis c'est toi qui vas avoir le dessus sur les mouchriquins. » Non. Il lui a fait subir plein d'épreuves. Il lui a fait traverser plein de situations pour mettre les croyants à l'épreuve et pour que la religion d'Allah ait le dessus, étape par étape. Et donc, la religion d'Allah, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière religion, c'est dans le sens que c'est elle qui vient sceller et terminer la révélation, et elle est préservée, protégée par Allah, et elle est victorieuse. Et il n'y a aucune puissance et aucune force sur terre qui est capable de lui porter atteinte. Et il y a à ce sujet-là une information véridique de la part du prophète, véridique, lorsqu'il a dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux, établi sur l'ordre d'Allah. Et ceux qui abandonnent ce groupe, ou qui s'opposent à ce groupe, ne pourront leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et ils seront ainsi. Et Allah a promis dans le Coran que c'est sa religion qui sera victorieuse. Allah ghalibun ala amrihi, walakin akthar an-nas la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dessus sur toute chose. Mais la plupart des gens ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas la signification de la victoire de la religion dans l'islam. Et qu'est-ce que ça signifie lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man nasru illa min indillah. Wa man nasru illa min indillah. La victoire, elle n'est que de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas par votre force, c'est pas par votre nombre, c'est pas par votre quantité. C'est plutôt par la victoire qui vient d'Allah, par le fait que vous veniez au secours de sa religion et que vous donniez la victoire et que vous faisiez triompher la vérité de la foi en l'islam, le tawhid d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un résumé une explication de qu'est-ce qu'on a mentionné dans la khutbah en arabe vendredi passé, et donc j'ai voulu le traduire pour que tout le monde puisse profiter, parce qu'il y en a bien entendu qui ne connaissent pas l'arabe, donc alhamdoulilah, ça c'est un sujet qui est très important, surtout à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe dans le monde, comme je disais, et surtout de ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qui se passe en Birmanie et ailleurs également dans d'autres pays musulmans, et qui disent mais pourquoi ces choses-là se produisent, pourquoi des musulmans se font expulser, torturer, tuer, maltraiter. Eh bien, comme les ulama de l'islam ont expliqué, ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qui se sont produites depuis longtemps. Et les kuffars et les mouchriquins ne sont pas satisfaits que les musulmans soient sur le tawhid et sur l'islam. Et comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, il a dit, ils veulent imposer aux musulmans aujourd'hui leur système, leur démocratie, leur laïcité dans les pays musulmans, parce qu'ils veulent que les musulmans soient sur le kufr, soit sur la mécréance. Ils ne veulent pas que les croyants restent fermes sur la foi et sur la vérité. Et donc, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas la dernière exemple de ce qui se passe comme injustice et comme oppression dans les pays musulmans et ailleurs. Et donc, il faut juste faire des invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne et qu'il épargne nos frères de toutes ces difficultés, de tous ces mauvais traitements, et qu'il donne victoire aux croyants, et qu'il nous donne également la patience face à ces différentes épreuves, et qu'il fasse en sorte que on soit capable de s'en sortir. Parce que il n'y a pas d'autre solution pour nous aujourd'hui que le dua. Il n'y a pas d'autre solution pour nous aujourd'hui que le dua. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance du dua. Hein? Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que nous on fait rien, qu'est-ce que vous faites? On demande à Allah de nous aider, on fait le dua. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Yasir, elle se faisait tuer, torturer, subissait toutes sortes de tortures. Et Ammar ibn Yasir, il a vu sa mère qui s'est fait tuer devant lui et son père qui s'est fait tuer devant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait près d'eux, qu'est-ce qu'il disait? Il disait sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Il disait soyez patients ô famille de Yasir, parce que yani votre promesse, votre rendez-vous, ce sera le paradis. Et il n'avait pas d'autre chose qu'il pouvait faire excepté que de faire les doigts pour lui comme ça. Est-ce que on va dire, comme certains écervelés et faibles d'esprit aujourd'hui qui disent vous voulez laisser crever vos frères, vous voulez laisser crever vos frères, est-ce que vous allez dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé crever la famille de Ammar ibn Yasir? Hein? Qui oserait dire une chose pareille? Mais il faut savoir que dans chaque situation il y a une adoration à établir. Et dans les situations de force, il y a une façon d'agir. Et dans les situations de faiblesse, il y a une façon d'agir. Et la sagesse dans l'islam, c'est de savoir justement, dans chaque situation, quelle adoration appliquer et comment agir. Parce que sinon, c'est ça qu'on appelle al-isti'jal, de vouloir se précipiter à faire des choses alors qu'on n'a pas la capacité ou que ce n'est pas le temps de le faire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.